Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il est 23h, bonjour. En direct de la salle des fêtes de Valouville-en-Caux, la nouvelle chanson française, le groupe France-Angleterre. Pour un instant, tu n'avais jamais le temps, jamais le temps. Et s'il te plaît, donne-moi encore un moment, c'est à moi de prendre mon temps. Pour un instant, tu n'avais jamais le temps, jamais le temps. Alors s'il te plaît, donne-moi encore un moment, c'est à moi de prendre mon temps. Oui, parce qu'un jour tu m'as laissé t'aimer, parce que tu n'en pouvais plus de rêver à des acteurs impossibles à approcher. Et puis tu ne m'as même pas regardé, tu ne m'as même pas laissé te parler. Tu t'es très vite, oui très vite déshabillé. Même pas bougé, déjà prêt à t'en aller. Mais attendez, je me suis vengé. Pour un instant, tu n'avais jamais le temps, jamais le temps. Alors c'est à moi maintenant de prendre mon temps, c'est à moi de prendre mon temps. Tu n'avais jamais le temps, jamais le temps. Alors c'est à moi maintenant de prendre mon temps, c'est à moi de prendre mon temps. Oui, parce qu'un jour tu m'as téléphoné, j'étais vraiment très très très étonné. La meilleure c'est que tu attendais un bébé et que tu voulais, me disais-tu, te marier. J'ai rigolé car tu ne m'as jamais aimé. Tu m'as violé, maintenant tu vas payer. Si vraiment tu veux m'aimer, te marier, marier. Je crois qu'il faudra t'embrasser le bébé, bébé, bébé. On pourrait essayer de le conserver, s'amuser, s'amuser. Et de monter raison en langue de chevet, s'éclairer. Le soir il suffirait de l'allumer et lui donner un peu d'électricité. On allumerait tous en cœur la télé et on verrait ainsi notre bébé bouger. Notre bébé allumé, excité, amusé, survolté, plein d'électricité. Notre bébé bien aimé. Très mauvais garçon.